Le porte-parole du comité coréen de mesure pour les problèmes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise et des victimes de la réquisition forcée a lancé le 2 courant une communication relativement aux monnaies plus excessives de la réaction japonaise visant à rendre nul le problème de l'esclavage sexuel et au comportement répugnant des autorités sud-coréennes. Il dit entre autres... Comme il a été déjà informé, les réactionnaires japonais exigent depuis le début de l'année des autorités sud-coréennes de supprimer les statuts de fillet, esclave sexuel au service de l'ancienne armée nippone, installée devant l'ambassade et le consul général du Japon à Séoul et à Busan. Ils ont rappelé leur ambassadeur et consul général. Par ailleurs, ils contraignent à renoncer au projet de la province du Gyeonggi d'installer une statue de fillette sur l'île de Do et demandent absurdement d'appeler cette statue « statue de consolatrice ». Ils déclarent de ne pas réintégrer leur ambassadeur et consul général au cas où l'on ne démantèle pas les statues en question. Il n'y a pas de preuve du recrutement forcé par l'armée japonaise et que l'on ne s'attend pas à la normalisation des rapports nippo-sud-coréens tant qu'il n'y a pas de démarche pour supprimer la statue de fillette. Ce disant, ils obligent comme tous les jours les autorités sud-coréennes à appliquer l'accord sur le problème des femmes de réconfort. Les démarches de la réaction japonaise qui ne présente point ses excuses constituent une logique de banditisme et l'apogée du cynisme. Le problème, c'est la conduite répugnante des autorités sud-coréennes. Celles-ci, loin de contester tant soit peu l'exigence maudite et absurde de la réaction japonaise, se conduisent plus lâches. Ces traîtres, notamment Yoon Byung-se, ministre des Affaires étrangères, se courbent jusqu'à terre devant la réaction nippone en disant qu'ils respectent l'accord en question, qu'ils vont l'appliquer loyalement et qu'ils collaboreront activement avec le Japon par voies diplomatiques variées. De plus, ils ont adressé aux organisations autonomes régionales un document confidentiel soulevant la nécessité de réfléchir sur des moyens de déplacement de la statue à un endroit convenable. Malgré la protestation agissante de tous les milieux sud-coréens, les autorités prétendent que l'installation de l'objet plastique devant les bâtiments diplomatiques étrangers ne s'accorde pas à la coutume internationale sur la protection des établissements diplomatiques des pays étrangers. Ces traîtres sud-coréens dénués de la dignité nationale et complètement serviles aux forces extérieures sont en fait une nouvelle bande moderne des saints traîtres qui ont signé le traité de protectorat avec le Japon en 1905. Ces traîtres scélérats qui s'appliquent à vendre entièrement à la réaction japonaise l'honneur et les intérêts de la nation jusqu'au dernier moment de leur existence doivent être condamnés sans merci au nom de la nation et de l'histoire. Toute la nation coréenne animée de l'esprit du soulèvement populaire du 1er mars se vengera à tout prix et mille fois des crimes du Japon contre le peuple coréen.